En application du Code du travail, toute fausse déclaration vous expose à des sanctions pénales, à une radiation, ainsi qu'à l'exclusion du revenu de remplacement. Composez les 7 chiffres de votre identifiant. Sinon, tapez étoile pour retourner au sommaire.